RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, Circus 95 FM. Bonsoir, Sylvain. Eh bien, bonsoir, monsieur Scream. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Sylvain. Voilà, en forme. Bah écoute, ça va, je suis rentré de Miami Beach. Ouais, je suis fâché, tu nous as pas ramené le soleil. Là. Miami Bridge. Je t'ai pas rapporté de moule non plus. Mais ne t'as pas rapporté de moule, quoi. Oh, pas les moules. Ça va en forme. Ouais, j'ai entendu ton petit coucou la semaine dernière et non, je ne t'ai pas rapporté de moule. Voilà. On remercie les auditeurs qui sont déjà à l'antenne, qui sont déjà connectés, c'est très bien. Oui. Malheureusement, encore une fois, on va commencer notre émission avec un hommage. Oui. Ah. Avec donc il y a Alan Holdsworth qui nous a quitté. Bon, ça va peut-être pas faire parler beaucoup de monde car Alan Holdsworth c'était plutôt un guitariste de jazz, tout à fait. Et il a participé à quelques albums, quelques Il a influencé quand même pas mal de gens au niveau guitare, dont notre copain Steve Vai. Steve Vai, Satriani. Ouais, ouais. C'est un spécialiste. Il arrivait à faire un mouvement de médiator assez spécial quand il faisait des gammes. Exactement. Et il grattait une corde, mais sans la remonter, c'était assez spécial. Mmh. Il a joué aussi avec UB14, du reggae et tout ça. Et il a joué sur un titre d'un groupe qu'on aimerait bien voir au mois d'août, Crocus. Ah oui. Sur l'album Change of Address. Et on va s'écouter en hommage à Alan, Alan Holdsworth. On va s'écouter Long Way From Home. Et après, on se retrouve tout de suite dans une bonne humeur. Et voilà, on aura dans la joie, la bonne humeur. La joie. Voilà. Voilà, tout à fait. Allez, hommage à Alan avec Long Way From Home. Three days in darkness far. Yeah. Voilà, donc c'était l'hommage à donc Alan Holdsworth qui nous a quitté. Donc c'était Crocus avec le titre Long Away From Home, où il a fait une apparition dans le solo, très très bon guitariste qui a tiré sa révérence. Oui. Voilà, donc on revient un peu à nos moutons, hein. Donc on va retrouver comme d'habitude la Sylvalsong. Tout à fait. Des titres que tu nous as programmés aussi. Oui, des petites recherches, de nouveautés et ainsi de suite. Oui, la Slasher Song. La Slasher Song, non? Oui, bien sûr. Il ne sait même pas où il est, lui. Tu vois, il ne sait pas où il est. Tu es dans le studio ici, tu vois? Oui, dans le studio. Alors, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Fabrice qui nous écoute, Marcus et Spencer. D'accord, et moi, j'en profite pour faire un petit coucou à l'Argentine. Voilà, Argentina. Argentina, voilà. Argentina. Allez, allez. Voilà. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un lundi un peu spécial, c'est le lundi de la fête des cloches. Donc, bonne fête à toutes les cloches. Donc, merci. Bonne fête, Sylvain. Bonne fête, Sacha. Bonne fête à moi-même. Bonne fête à tout le monde. Donc, c'est en anglais. Cloche, Pâques, ça veut dire Easter. Donc il a fallu que je fasse un peu mes recherches, et même il y a des groupes qui ont fait des titres où ils parlent de Pâques. Et on va s'écouter Théocratie avant de retrouver la Slasher Song. Et Théocratie, ils ont fait un titre qui est extrait de l'album Ghost Ship, qui s'appelle simplement Pâques, Easter. Et on va s'écouter ça, après on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah écoute, on va s'écouter ça, on te dira si ça a l'air cloche ou pas cloche. Mon avis, musicalement, ce ne sera pas cloche, mais ce sera du bon, quoi. Quoique, c'est vrai que quand on pense, les cloches, elles sont toujours partout. Vous avez quelque chose pour les Pâques, vous? Bah écoute, moi, j'ai rien eu. Et toi, t'as eu quelque chose? Pour Pâques, comme cadeau? Ouais. Oui. T'as eu quoi? Des pop. Et t'as eu autre chose, il me semble. Un CD, mais je ne veux pas vous en dire plus. Ouais. Parce que... mais t'as pas eu plus qu'un CD, toi? Des pop, un CD, je crois que c'est tout. Mmh. Voilà, c'est pas mal. Et du chocolat, peut-être? Oui. Voilà. Oui, du chocolat. Moi, c'est ce que j'aime le mieux, moi, les chocolats. Ouais. Oh non. Chocolat. Mmh. Ah là là. Allez, Théocratie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Gone away. All hope is lost. Alors voilà, je sais pas si vous aimez bien Théocratie quand même avec le titre Easter. Moi j'aime bien. C'est bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien foutu hein, comme ça. Bon, on est obligé un peu d'écourter le morceau car il fait pratiquement plus de 12 minutes donc. On va pas laisser 12 minutes. J'en profite aussi pour vous dire que la semaine prochaine, dans studio, on aura deux invités avec donc Rico qui sera là, donc notre boss. Oui, et on aura Rico le patron, ça il aime pas, mais Rico. Ça il aime pas, tu le fais exprès. Et on aura Pompon, donc Jacques de Pierrepont, grand monsieur de la radio. Oui, tout à fait. Notre Francis Zégut belge, on va dire ça comme ça, sera en studio pour nous parler un peu de son bouquin, son ouvrage sur le Hellfest. Oui. Et on en profitera en même temps pour lui poser des questions. Et vous verrez, ce sera fort agréable. Alors, il est l'heure de passer à la Slasher Song. Alors, Slasher, tu nous as choisi quoi et pourquoi ? Alors, je vous ai choisi un groupe. Ah bah oui. Simplement. Bah oui, il doit avoir un groupe. Pas nécessairement, tu peux être tout seul et faire du métal. Oui, un solo, on va dire ça. Mais un cadeau que j'ai eu de Pâques, de ta part, donc merci papa, c'est tout simplement l'album Blu-ray de Slayer, Rumbless. C'est bizarre. Avec le live au Vacuum, avec un documentaire dessus et tout, donc je vais bien être pressé de regarder ça. Mais bon, là c'est pour écouter et pas regarder, et on va écouter le titre Wend, qui est pour moi une de mes chansons préférées de l'album, avec l'intro que je trouve génialissime. C'est un groupe des États-Unis, fatalement un des groupes des Big Four de thrash metal, qui était formé en 1981. C'est du bon thrash metal. Tout avec, à fait. Oui, excellent. Avec Tom Araya au chant et à la basse, Kiri King à la guitare, qui est assez impressionnant quand on voit de près. Il est bien baraqué. Tu l'as vu de près, toi. Oui, Gary Holt. À quoi ? Gary Hall qui remplace Hanneman. Oui, Jeff Hanneman qui est mort malheureusement. Qui nous a quittés. Il a eu 50 ans. Il y a deux ou trois ans maintenant, Hanneman déjà. Et Paul Bostaff à la batterie. Un copain qui connaît bien Riff d'Enfer. Donc, hi Paul Bostaff si tu regardes cette vidéo. Voilà. Alors, je t'ai annoncé ton truc, Slasher. Donc, c'est Slayer avec When the. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM. Sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Thank you. resisting sweet sound of your silence. In darkness this feeling I love to be covered in blood, blood from above. Violence sets me free, brings demons back to torture me. There's no God pulling at my strings. I'm above all sorrow, fate can't break. Disengaged, I see your face. In a drowning rush, I can't replace. Hands around your neck, is this enough? Staring into your eyes when the still. J'adore quand ça bétonne comme ça. Oui, c'est donc, du bon Slayer. C'est du bon, hein. C'était quoi donc Slasher ? C'était Slayer avec When The, extrait de l'album Rampless, qui est un de leurs dernier album. Voilà, que tu as déjà eu l'occasion de voir 2-3 fois déjà, je crois. Non, une fois. Une fois ? Une fois. Oh, je sais pas s'ils étaient au Hellfest 2015. Non, plus qu'une fois. Hein. Tu les as vus plus qu'une fois, j'en suis sûr certain. Au Lockersfesten. J'ai pogoté d'ailleurs sur Lockersfesten. Pouf. Voilà. Alors, là, maintenant, c'est un titre que tu nous as choisi, Val, c'est quoi ? Tout à fait. Alors, moi, j'ai pris la nouveauté de Blaise Bellé. Mm-hmm. Blaise Bellé, qui est le troisième chanteur, ancien chanteur de Iron Maiden. À un moment donné, il avait remplacé Bruce Dickinson. C'est ça. Et donc là, il est parti en solo maintenant. Mm-hmm. Fatalement, vu que Bruce Dickinson y a repris sa place auprès d'Iron Maiden, voilà. Donc sa carrière solo, et là il a son Xème album, et j'ai choisi le titre Blood. On va rester dans le sang et tout. Ouais. C'est, ouais. Ouais. Moi j'aimais mieux que Blaise Bellé quand il avait ses longs cheveux, tu vois, encore une maintenant, fois. Maintenant il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus, maintenant il a des gros favoris, là, tu sais, des gros buissons sur les joues. Quoi. Bah ouais, je sais bien, mais... Ouais. C'est... Mais bon, c'est quand même une voix quand même. Hein. Et au moins, il peut se permettre de dire « J'ai joué avec la Vierge de Fer ». Ouais, voilà. Voilà. Il peut dire voilà, qu'il est monté sur scène avec Iron Maiden, ouais. Et être chanteur quand même d'Iron Maiden. Ouais. Quoi. Je l'ai vu sur cette tournée au Grass Pop. Mm-hmm. Donc ça remonte. C'est encore à l'époque où le Grass Pop était une journée. Donc tu t'imagines. D'accord. C'est vieux de la vieille, mais c'était pas mal, quoi. Et... Voilà, c'était bien, vraiment bien. Mais bon, Blaise Bellé reste quand même une voix incontournable du métal. Il y a rien à dire sur ça, quoi. Ouais. Ouais. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, Blaise Bellé avec le titre Blood. C'est parti. Of hope and redemption, seduce the vain, the weak, and the well-intentioned, accepting the praise for their own sacrifice. But these seven martyrs sing hard as a riot. This is the poverty manifestation of the worst anger of all our creation. Obedient to commands inside the dream, the truth of the under mission is revealed. Blood, blood on my hands, the true joy of killing again. Everything that they said justifies everything that I did to them. I am blood. A slow mutilation, they watch and they feel. Unbelievable, but it is real. Agony and surprise in equal measure, hopeless and consumed by this moment of terror. Familiar and comforting in my control, taking their choices and leaving them cold. It's gasping and bleeding, they bleed for the light, the beautiful moment that death fills their eyes. Blood, blood on my hands, the true joy of killing. Wife killed their daughter, then killed herself, while Black was on a covert operation. Then he left special forces and became a mercenary. During the West Flanders insurrection, he became known as the Butcher of Weevilhead. He killed babies and women and murdered whole families. He enjoyed his work, then he disappeared. I found him, but he thinks he found us. He was selected before he applied. I believe he will easily accomplish the under mission. William Black, Captain William Christopher Black. It is time for the dream. Time. Voilà, voilà, voilou, Sylvelle. Oui, donc c'était Blaise Bellet avec le titre « Blood ». Voilà, et comme on disait, hein, on parlait aux antennes comme ça, c'est quand même quelqu'un qui ne se prend pas la tête et qui est resté très, très, très, oui, très proche. Simple, humble, il n'y a pas de problème, on peut discuter avec. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Mm-hmm. Tu peux faire une photo, tu peux discuter, et puis il est super sympa. Oui, et il faut savoir qu'il est souvent du côté de chez nous, du Nord. Hein. Il est souvent dans le Nord. Tout à fait, il doit bien aimer. Voilà, donc c'est bien, quoi. Voilà, ben tant mieux pour nous, hein. Oui. Voilà, ben voilà. Oui, alors, il faut savoir maintenant le prochain groupe qu'on va écouter. On va rester dans les Iranges-Médans. Iranges-Médans. Ça, c'était un de mes meilleurs copains. Peut-être qu'il nous regarde. Pascal, oui, non. Coucou. Mm-hmm. T'aimes bien Iranges-Médans. Qu'est-ce que j'ai pu rire avec ça. On en a fait pas mal des choses sur ça. Ouais. Enfin. Pas fait des choses, mais je veux dire, on en a beaucoup parlé sur Iranges-Médans. Monte les crues, hein. Monte les crues, descend la vis. Ouais. On devrait faire un livre comme ça sur des conneries comme ça. Mmh. Et bien là, maintenant, Steve Harris, il a son fils qui a fait un groupe. Le groupe s'appelle The Raven Age. L'album s'appelle Darkness Will Rise. Donc, Steve Harris, son fils, il se met à composer. Oui. Et il fait de la zik. Et lui, il est passé du côté de la guitare. Bah, de père en fils, musicien. Musicien, ouais. Mais bon, c'est, oui. Il n'a pas pris la basse, lui il a pris la gratte. La guitare. Et l'album donc s'appelle Darkness Will Rise. Et on va s'écouter un titre, le troisième, The Age of the Raven, donc The Raven Age, donc groupe de Monsieur Harris. Hein, mm-hmm. Son fils s'appelle tout simplement George Harris. Voilà, c'est parti. Cloud of aggression, they Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, The Raven Age, mais c'est vraiment bien foutu. C'est bien, ça. L'album s'appelle Darkness Will Rise et le titre qu'on s'écoutait c'est tout simplement Age of the Raven. Franchement c'est vraiment vraiment bien foutu. Oui. Ah ouais, non c'est bien. Ouais, alors tout doucement on avance aussi dans les émissions. Bientôt on va commencer à vous parler des émissions festivals. Hein. Oui, le spécial festival. Exactement. Ben, ça va être bientôt la période. Hein. C'est la période, ça a déjà commencé. Oui. On a nos amis, on fait des petits coucous à Vaken et tout ça, qui ont déjà commencé à couvrir les festivals. Exactement. Ouais, Cholm et tout. Ou les festivals, c'est comme vous voulez, mais on est tous des bestiaux. Enfin, bon, bref. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Ironborn. On reste bien, t'as remarqué ça on, fait reste dans les Iron. Non, ça, Iron, on reste dans les Iron. Coïncidence. Et là, c'est Mike de Koon qui nous a envoyé ce petit extrait. L'album s'appelle tout simplement, je ne sais pas. J'ai fait le con, j'ai dit trop vite. Mais le titre, par contre, c'est Never Again. Et c'est toujours un EP pour le moment. Mmh. L'album n'est pas encore sorti, voilà pourquoi je n'ai pas le titre de cet album. Et on va se jouer un extrait donc pour vous faire découvrir ce groupe Ironborn, Ironborn plutôt, avec Never Again. Et après on retrouvera encore un titre de tes choix, comme ça, Sylvain. Tout à fait. Voilà, sinon Slasher, ça va, la programmation, ça... Oui, ça va. Bah, pour l'instant ça se plaît, avec tout des Iron et tout... C'est pas mal. Et après, je vais vous faire encore découvrir, après le titre de Sylvain, encore une pépite que tonton Roger nous a envoyée. Tonton, il nous surprend. Il nous surprend toujours, hein, tonton. Toujours. Hein. Allez, c'est parti. Never again, never again. Alors, encore une petite découverte quand même, hein. Ironborn. Oui. Merci Mike. Mike, si tu nous écoutes ou si tu nous réécoutes avec le podcast qui sera mis ce soir, car on travaille le soir aussi pour remettre tout ça en ordre, pour que vous puissiez, vous, si vous travaillez de nuit ou quoi, ou faites les trois pauses, de nous suivre après, voilà. Quand vous voulez. Voilà. Alors, le prochain titre que tu nous as choisi, c'est quoi, Sylvain? Alors, c'est Electric Guitars. Yes. Avec l'album Rock'n'Roll Radio. Waouh, rock'n'roll. Ici, on passe de la radio, du rock'n'roll? Bon, je savais pas. Mmh. Oui. Écoute, j'ai choisi. Si c'est possible. Si c'est possible. Tout est possible ici. Splendor. Splendor. Voilà. Je rappelle que j'insiste la semaine prochaine, émission très spéciale. On aura Pompon, Jacques de Pierrepont en interview. Oui. Donc, si vous avez même des questions à lui poser. Il ne faudra pas hésiter, le téléphone sera là ou même par le net. Hein. Y aura Rico qui sera là aussi. Et il viendra vous parler de son bouquin qui est sorti sur le Hellfest. Une petite BD qui est vraiment bien, bien foutue. Et, tout à fait. Et si tout va bien, on vous présentera peut-être quelques produits Hellfest si ça arrive en temps et en heure à la maison. Voilà. Oui. Donc je te laisse annoncer ton titre, Sylvain. Alors c'est Electric Guitars avec l'album Rock'n'Roll Radio avec le titre Splendor. Yes, c'est parti. He got the looks all right. Mais quel bon choix encore, Sylvain. Ah, écoute, phénoménal, hein, ouais. Ce groupe. Ouais, tu nous étonnes à chaque fois, quand même. Hein. Donc, c'était le groupe Electric Guitars avec l'album Rock'n'Roll Radio. Yes. Et le titre Splendor. Voilà. Le prochain qu'on va s'écouter, ben, tonton, encore une fois, tonton nous a envoyé le nouveau double album de Iron qui va arriver incessamment sous peu dans toutes les bonnes crèmeries. L'album s'appelle The Source. Oui. Alors là, tenez-vous bien quand même, hein, sur l'album, il y a quand même James Labrie. James Labrie qui est le chanteur de Dream Theater. Merci. Il y a Tony Craver, il y a Tony Rogers, il y a Simone qui est. Ah, ta copine de Epica. T'es un genre de... Copain-copine. C'est copain-copine. Avec sa chance, c'est copain-copine. Oui, avec tout le monde. Nous, il aime tout le monde, lui. Oui. Il y a aussi Tobias Sammet. Ah, Tobias Sammet. Oh, Ed Guy, Avantasien. On a aussi Kirsch, qui est un des membres de Halloween. On a Russell Allen. On a aussi notamment... que je dise pas de bêtises, parce que j'en dis souvent des bêtises, Paul Gilbert ou Paul Gilbert, si vous voulez, Mr. Big. Donc, il y a une grosse panoplie d'artistes qui est sur cet album. On peut classer ça un petit peu comme de l'opéra rock. Oui. Et là, moi, j'ai choisi de vous faire découvrir le titre Star of Siras. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Faut savoir que ce groupe est né de Lekan Hansen, qui est un Hollandais qui a décidé de faire des opéras depuis quelques temps. Là, l'avant-dernière en date, il avait pris Tom England, de Evergrey, tout ça. Et à chaque fois, il prend des artistes pour s'entourer et faire des choses vraiment intéressantes. Maintenant, comme le Slasher disait, en écoutant, il faudrait peut-être que... Il tourne aussi, ce serait vraiment bien aussi. Ouais, serait bien, parce que là, on a un peu oublié, quoi. Ouais, on est vraiment... Non, oui. Même pas un peu. Moi, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, même. Là, on va taper... Aidez-nous. On va faire grève. Oui, grève, c'est grève. Pas possible. Bah, ouais. Grève des... Parce que là, il y a une super tournée aussi avec Steve Vai, Zach. Zach Ingrid, tout ça, là. Ouais, mais c'est... C'est dommage, quoi. Ou alors, t'as remarqué ? J'ai remarqué ça. Au Japon, là. Bon, au Japon, c'est un peu loin, quand même. Hein. Et puis, c'est cher. Mais t'as remarqué ? Ils viennent pas. Il y a des groupes qui viennent pas. Bah, et puis, quand oui, on... Je sais pas comment ça se fait. Et quand on est au Hellfest, les groupes, ils viennent. Voilà, je prends l'exemple. Par exemple, le 16, si vous n'avez pas, malheureusement, eu votre passe pour le Hellfest, le 16, à l'aéronef, il y aura Ugly Joe, le 16 juin. Mais ils seront au Hellfest quand même. Donc oui, ils seront au Hellfest, mais si vous n'avez pas mais votre passe, pas vous pouvez les voir. Pas dans les conditions, voilà quoi. Et le 18, il y aura Gojira qui seront splendides. Oui. Donc tu vois, c'est... Ouais, voilà. C'est malheureux. Hein. C'est tout le temps comme ça. En plus, excusez-moi, mais de faire un concert pendant les festivals, c'est quand même risqué. Hein. Bah non, c'est pas risqué parce qu'il y a... Bah, il y aura quand même... Bah non, tout le monde n'a pas eu l'occasion d'avoir le passe, hein, Slasher. Tout le monde n'a pas eu l'occasion d'avoir le passe, hein, c'est tout. Voilà, c'est... Bah oui. Mais c'est vrai que nous, on est souvent un peu, pour le moment, laissés sur le côté, quoi, voilà. Allez, on va s'écouter ce titre, et donc Star of Syrah de Aaron, et on se retrouve tout de suite après, les amis. We'll be right back. Franchement terrible. Hein. Oui. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est triste. Iron avec l'album s'appelle The Source. C'est pas encore sorti, mais ça va donc arriver. Donc ça tourne. Ça tourne. Tu vois, tu me disais, bon, c'est pas la porte à côté, tout à fait. Mais bon, on y est vite en Hollande. En Hollande, je fais oui. souvent des allers-retours en Hollande pour des groupes. Oui, pour voir des groupes, hein, ouais, pas pour ramener. Elle ne demande rien. Elle ne ramènera rien. Mal perçu par certains auditeurs auditrices. Elle ne ramènera rien. Voilà, donc Iron avec... Ouais, donc il tourne là en ce moment en Hollande. Ouais. Donc voilà. Si tu veux, ben, y a une date le 15 septembre, la vendredi, un samedi 16 septembre. À Tilburg. Tilburg. C'est pas tellement là. Il faudra que je regarde sur le net. Pourquoi pas. Et on peut essayer de demander à tonton Roger ou éventuellement nous caler. Attends, je vais demander. C'est ouais, tonton. Tilburg, ouais. Voilà. Donc le titre qu'on vient de s'écouter, c'est Star of Syrah. Et comme tu me disais en antenne, ça joue super bien. Bah, ça joue bien, la grade Paul derrière. Gilbert, et tout, on Simon entend bien, Simons, hein. James Labrie, chanteur de Dream Theater et tout. Il y a du monde là derrière. Y a c'est du sûr monde. Que c'est pas des débutants. Voilà, il m'avait demandé de venir chanter, mais à ce moment-là, j'étais encore encombré du nez, comme maintenant, donc c'est pour ça qu'il m'a dit écoute, Eric. Moi aussi, mais il m'a dit que j'avais une voix trop. Trop Lucas, rock. Lucas, donc il m'a dit. Trop avatar. Ouais. Voilà, justement, en parlant, juste avant de retrouver notre balade, on va vous faire plaisir un petit peu, en vous réveillant un petit peu les ménages, en vous secouant un petit peu la tête, et vous faire voyager votre cerveau dans votre boîte crânienne avec deux titres. Avec le premier, c'est Oposento, avec Wishing Hell. Non, c'est pas une reprise de Terrence Trent D'Arby, Wishing Well. Non, c'est pas ça du tout. L'album s'appelle Bleed to Death. Ça bouge pas mal, c'est espagnol. Et après, on vous fera découvrir le dernier album, un extrait du dernier album de Mike Alvian. Mike Alvian, qu'on a eu l'occasion de rencontrer au Hellfest il y a 2 ans. Des gens super sympas, des petits Français qui veulent. Qui jouent. Et qui font vraiment tout pour essayer de percer. Et voilà, ça. Et après, on passera à la balade crapuleuse. Okay. Oposento, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ça va déboîter. Quand on a le bon matin, on va d'abord nous faire. Voilà, donc je vous ai dit, c'est espagnol, ça joue des castagnettes, mais plutôt des cordes, des six cordes. C'est Opacento avec Wishing Hell. Le prochain, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter le mannequin Vianne, il vient d'arriver, il est tout frais. On remercie donc Fred pour nous avoir envoyé l'album. L'album s'appelle Annihilating the Shade. On les a eu en interview donc il y a 2 ans au Hellfest. Franchement, des super mecs, super sympas. J'en remercie Alexis d'ailleurs s'il nous regarde, qui est le batteur de ce groupe. Donc on va écouter. On va s'écouter le titre Resurgence. Et après, c'est la balade crapuleuse. Et là aussi, on va sortir un petit peu des sentiers battus, les amis. Eh ben, ça déboîte pas mal du tout, hein, juste avant de retrouver la balade crapuleuse. Ça fait du bien quand même. Malkavian, donc groupe qu'on avait eu au Hellfest il y a 2 ans, en au interview. Téléphone. Et au téléphone aussi en phoneur, c'est bien on de le rappeler. On avait fait un phoneur il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Non. Enfin, moi, ça me paraît proche. Il y a peut-être une petite année. Petite année, ouais. C'est oui, ça. Une petite année. Et là, le nouvel album est arrivé. L'album s'appelle tout simplement Annihilating the Shade. Et le titre qu'on vient de s'écouter, c'est Resurgence. C'est pas mal, ça bouge bien. C'est entre un peu le trash, le death mélodique comme on aime bien. Donc voilà, ça on nous fait dire, plaisir. Oui. Et encore une fois, je remercie donc le label Finisterian Dead. Oui, à Laurent aussi, merci à Laurent. Et Laurent, c'est Laurent qui gère tous ces groupes. D'ailleurs, qui nous a contactés pour qu'on puisse gérer des interviews déjà au L directement qu'on arrive le jeudi. Donc tout déjà jeudi, déjà. On aura déjà nos passes, qu'on devra déjà, devoir bosser. Donc imagine. Il est l'heure de ça passer. Va être la folie encore une fois. Oui, ah ouais, bah, en plus de ça, Fest, il y a, déjà en plus il y aura nos Iron Bastards aussi qui seront là. Ah oui, les copains. Ah ouais, il y a David. Il y a David, le groupe Iron Bastard, le groupe. Il y aura David aussi. Ouais, mais sûr. Bon, il vaudra mieux le pécho avant qu'après. Parce qu'il fêtera quand même son Hellfest. Eux qui rêvaient à jouer à Hellfest, c'est un gros. C'est bien pour eux de jouer quand même. Félicitations à eux. Hein. Si c'est vrai. Hein. Bah, il avait dit hein, qu'il aurait tout fait pour. Et là, il y a beaucoup de gens hein, qui vont à Hellfest cette année. Il y a les Headblaster aussi qui seront là. Eh ben, tu vois, on va pas chômer. Non, on va pas chômer. On va pas chômer. Voilà. Remplissons la cache leste. La carte, on parlera de tout ça quand on fera la spéciale Hellfest, qu'il faut une carte pour boire, une carte pour manger. Oui, on expliquera bien parce qu'on peut la remplir avant. Avant, sur Internet. Sur Internet et tout ça. Vaut mieux la remplir avant que pendant parce qu'après vous allez vous faire chier. C'est la queue, il y a beaucoup de queues. De fils. De fils. Allez, il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Bon, avec... ça va. Oh, c'est malaisant, hein, ça. Ici. J'ai choisi justement de vous jouer une balade crapuleuse, mais cette fois-ci, c'est pas par des mecs. C'est par un groupe de nanas qui, malheureusement, il y a une nana qui est décédée dedans. Phantom Blue. Waouh, joli. Bien. Phantom Blue, que j'ai eu l'occasion de voir. Oui, je vois les petites photos. Au Bebop. Sur sa table de nuit. Sur ma table de nuit, voilà. Au Bebop, les Phantom Blue. Et franchement, c'était extraordinaire de voir un groupe de nénettes jouer. Et ça envoyait du lourd. Mais là, j'ai choisi de vous passer une balade crapuleuse qui s'appelle Why Call It Love. Et après, on reviendra avec un de tes titres. D'accord ? Okay. Allez, c'est la balade crapuleuse. What in the world can make you feel so? Ah, mes souvenirs ressurgissent quand même comme ça. Ils refont surface, White Phantom Blue. Why Call It Love, c'était la balade crapuleuse. Ça change un peu de voir des barbous, des longs cheveux. Puis elle a un joli timbre de voix. Hein. Lita Ford, Pat Benatar, Lee Aaron, voilà. C'est rock'n'roll, hein, comme on aime bien, faut être honnête. Et franchement, je trouve que c'est... Enfin, maintenant, c'est des goûts et des couleurs, c'est plus harmonieux que du female voice. À la fois, c'est moins rébarbatif, parce que c'est modulé, c'est chaque identité, on n'essaye pas de copier des... Voilà, mais maintenant, bon... Ouais, mais après, c'est les goûts et les couleurs, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, par contre, toi, tu as choisi quoi? Alors, moi, j'ai choisi le groupe, hein, Labyrinthe. Oui. Donc, c'est un groupe italien. C'est une petite nouveauté, voilà. Mm-hmm. Avec le titre Someone Says. Voilà. Parle un peu italien aussi. Les Italiens sont très forts quand même dans le power metal. Hein. Oui. Notamment notre ami Tony de Max Pye. Max Pye, oui. Va souvent enregistrer du côté de l'Italie, comme ça. Et tous ces gens-là, il les connaît, quoi. D'ailleurs, on va bientôt l'avoir ici, Tony, pour l'album. Oui, il sort son album, là, dans pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps, donc on l'aura. Je ne sais plus quand, mais donc on ça ne serait tardé. Donc on l'aura en studio encore une fois. Et on essaiera d'avoir tout le groupe, ce sera beaucoup plus amusant. Oui, avec le nouveau guitariste. Oui, avec le nouveau guitariste, voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, le groupe, c'est Labyrinthe, avec le titre « Someone Says ». Another day of Encore une fois, un très très bon choix. Ouais, une belle petite nouveauté. Donc c'était Labyrinthe avec le titre Someone Says. Ouais. Oui. Donc petit groupe italien. Ouais. On avait déjà joué un titre, on attend l'album avec impatience, il se fait attendre. C'est déjà le deuxième extrait tout à fait. De l'album. Donc maintenant, dépêchez-vous quand même les amis. Hein. Allez. Voilà, bah, le prochain qu'on va s'écouter, moi je t'invite à écouter Mantra. Mm-hmm. C'est un des groupes qui nous ont déjà contacté, ça fait plus ou moins un mois maintenant, pour pouvoir réaliser leur interview filmée au Hellfest. Je n'ai pas refusé, j'ai dit oui. En plus, c'est un groupe français, donc raison de plus qu'on les aide aussi, ces petits groupes, et pas tout le temps viser des big groupes. Les petits groupes aussi ont un mérite. L'album s'appelle Lani Anake. Et on va s'écouter le titre marcassiste de Mantra. Et tu me diras ce que tu en penses. Et nous, le jeudi, ben, dès qu'on arrive, on s'installera. Et puis après, on commencera. Et puis après, on ira voir les quelques petits concerts qu'il y a en la guise d'apéritif. Voilà. En parlant de battle, il y a la warm-up, n'oubliez pas, le 12 mai. Oui, la warm-up, le 12 mai. Ça va être une bonne fête avant le Au Splendide. Et là, il y a un groupe qui va jouer. Notre ami Butch. Boucho, ouais, c'est sympa. Ouais, donc c'est le 12 mai, c'est ça, parce que le 12 mai au Splendide de Lille. Mais il tourne dans toute la France, la warm-up tourne. Il n'y a pas que dans toute la France, même en Europe, j'ai vu en Angleterre et tout ça. Et ben, ça va être du bien. Et là, il y aura des places à gagner. Les derniers sésames, on va dire comme ça, pour le L, éventuellement, si vous n'avez pas votre place. Ouais, on verra bien comment ça se passe. Hein, cette warm-up, c'est des groupes qui montent sur scène. C'est quoi ? On ne sait pas trop. C'est une fête où ils vont parler un petit peu du Hellfest. Il y aura Alex avec 3X, un des responsables du L qui sera là. On pourra lui poser certaines questions, des choses comme ça. C'est une interview ? Non, il n'aura pas le temps de faire des interviews, j'ai déjà posé la question. Mais il va pouvoir répondre à des questions, des jeux, être disponible. Pour un pass. Mais bon, s'il y a des groupes, je suppose que. C'est des petits groupes, ça va être. Ah oui, ça va chanter, il y aura de la musique, il y aura tout, il y aura des t-shirts Hellfest à gagner, des passes, plein de choses. Voilà. Allez. Mantra, c'est tout de suite, c'est maintenant ? Allez. Oui. On va m'entraîner alors. Allez, c'est parti. for breath to burst in hell. Follow the source of the blood. Ben franchement, c'est du prog, mais j'aime vraiment bien ce genre de prog. Hein. Oui. N'est-ce pas, hein? Ah, non, c'était bien. Oui, on te suit. Hein. On te suit. Voilà, ah, vous me suivez, c'est bien. Ouais, voilà, donc le groupe qu'on devra interviewer et filmer au Hellfest le jeudi dès notre arrivée. C'est bien ça? Oui. Bah, pas dès notre arrivée, mais on nous laissera poser les bagages et valises, voilà, quoi, on court. En général, c'est comme ça, il faut toujours speeder. Hein. Ouais. En plus, aller chercher nos passes, faire la file... Peut-être recharger notre cashless. Recharger. Non, elle sera chargée la cashless. Elle sera chargée là parce que c'est déjà déchargé. On est chargé. Ouais. On est chargé. Et trouver. À part son prend du coca. Bah, de toute façon, toi, tu ne veux tu boire pas autre chose que ça. Bah oui, et moi non plus d'ailleurs. Ouais. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est pas mal du tout. C'est du rock. Ça vient d'arriver, c'est nouveau, c'est tout frais. Encore une fois, là, c'est ça vient d'Allemagne. Enfin, d'Allemagne. Théo, je remercie Théo de nous avoir envoyé ça. Le groupe s'appelle 7 Mile to Pittsburgh. L'album s'appelle 7 Mile to Pittsburgh. Ils n'ont pas été trop loin à rechercher le nom du groupe et le nom du titre de l'album. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Pittsburgh. C'est pas mal du tout. Bah, on retrouvera la Silver Song, et les amis. I got Retenez bien ce groupe, hein, Seven Miles to Pittsburgh. L'album s'appelle du même titre, du même acabit, Seven Miles to Pittsburgh. Le titre c'était Pittsburgh et ça joue, c'est du très très bon rock and roll, comme on dit. Voilà, alors il est l'heure de retrouver la Sylvalsong. Et tu nous as choisi quoi et pourquoi? Alors moi j'ai choisi Ellie. Ouais. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Oh. Et j'ai pris le titre Stretch a Lie. Oui. Alors pourquoi Ellie? Parce que ben il y a pas longtemps j'étais allée voir en concert et j'ai trouvé ça super. Mmh. Bon c'est vrai que tout le monde fait une fixation sur Vinnie Paul je trouve. Ouais. Oui. On dirait que les autres membres du groupe ils n'existent pas. Oui, c'est un peu malheureux. Ouais, je trouve que c'est dommage. Tout le monde bloque sur Vinnie Paul. Bon, je sais bien que c'est le batteur Pantera, c'est l'ancien. Sûr. Mais on peut même pas dire ancien parce que le groupe je crois arrêté que dans comme son ça. Cœur, il est toujours. Il est toujours Pantera. Il est toujours Pantera, je pense. Il est toujours Pantera. Donc, mais bon, moi j'adore ce groupe. J'aime bien Chad en plus. Ah, voilà. C'est ce que j'allais dire. Hein. À mon avis, un petit pincement pour Chad peut-être. C'est le plus zinzin de la bande, faut dire la vérité. Ouais, j'aime bien Chad parce que ben, je sais pas, j'aime bien sa dégaine quand il arrive sur scène. T'as vraiment l'impression qu'il y a un peu la dégaine du diable. J'ai trouvé sa représentation. Je sais pas si t'as fait attention qu'il avait quand même le visage maquillé de rouge. Ouais, oui. Et bah, je sais pas, il arrive un peu. Puis les yeux fort bleus. Je sais pas, il y a la représentation un peu du diable quand même, je trouve. Enfin, encore... moi, c'est ma. C'est Belzébuth. Voilà, bah, d'ailleurs, si son groupe s'appelle Ellie, je pense que c'est pas pour rien, quoi. Ben justement, j'ai lu dans un interview, donc c'est pas nous, malheureusement, ouais. On n'a pas pu réaliser l'interview comme tu l'as constaté. Tu l'as pu constater. Le constater, oui. Et j'ai lu un interview que Vinnie Paul disait que Elias est venu comme ça parce que Hell! Et puis Yeah! Ouais, voilà, bah, ouais, voilà. Ça n'a aucun rapport avec le diable, comme il disait, mais Hell! Et puis Yeah! Voilà, et puis c'est tout, quoi. Et puis voilà. Mais bon, c'est vrai, comme tu disais, on a. Bah, ça n'a aucun rapport, ouais, ok, mais peut-être que son interview, il est peut-être, je sais pas, dépassé, si je peux me permettre de dire ça. Mm-hmm. Parce que quand tu vois le guitariste qui a son t-shirt fan club antichrist. Ouais, peut-être. Oui. Attention maintenant à mon avis aussi. C'est de la dérision. Ouais. À mon avis, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que c'est pour rire. Ouais. C'est clair et net que les groupes de hard rock, heavy metal, trash, speed, on vénère pas Satan. Hein, faut arrêter aussi. Voilà. Quoi, ouais. Oui. Par contre, encore. À mort les clichés. Encore un bon moment de souvenir. Un bon moment de souvenir de. Ouais, c'était super, on s'est bien amusé. Et surtout l'after, encore une fois. Oui. L'après-concert, on a bien rigolé quand même. Ouais, on s'est bien amusé. Merci mais Vinnie en fait, de nous avoir fait mettre un rhume en plus sur notre tronche. Mais on parle toujours de Vinnie Paul, mais les autres membres, quand même, de la bouteille. Hein. Faut penser que Chad, c'est l'ancien chanteur de l'ancien groupe Mudvayne, qui est un groupe un peu comme Slipknot, on peut dire. Oh, ouais. C'est vraiment. Oui, il y a de la bouteille, hein, lui. Oui. Il n'est pas à son premier. Ah oui. À son premier groupe, si je peux dire ça comme ça. Hein. Et tout ça. Et j'avais bien raison, et j'ai fait le con. Le. Le bassiste. Non, pas le bassiste, le guitariste avec son chapeau. Il était dans Damage Planche. Voilà, j'ai d'accord. Fait vraiment le con, quoi. De ne pas l'avoir fait. Tu m'avais raconté un truc sur le bassiste aussi. Ouais, mais le bassiste, lui, bon, il ne faut pas m'en parler. Il est passé à côté de moi. Il fait non. Oui. Non, je n'y vais pas. Mais bon, comment c'est bien ce qui s'est passé par le passé. Ouais, puis peut-être qu'il était fatigué, qu'il a eu envie de monter dans le bus. Bon, il nous a quand même dit bonsoir et ainsi de suite. Ils voulaient manger leur banane. Mais. Ouais, peut-être qu'il mais ils avaient déjà mangé la pizza, donc. Ouais, enfin. Un bon concert. Et franchement, on vous conseille d'aller les voir s'ils passent par chez vous, hein, ouais. Ouais, franchement, ouais. Par contre, je le dis bien, dommage, c'était un set court quand même, 1h15. Oui. Bah, écoute, oui, c'était la critique que j'ai vue sur Facebook. C'était la grosse critique, le set, trop court. Et c'est la première fois que je ne vois pas un rappel. Il y a eu les gens, ils ont crié après eux, tout ce que tu veux, mais il n'est pas revenu. Alors, est-ce que c'est pour la fuite de Vinnie Paul? Je ne sais pas. Ben, si tu veux, moi, j'ai peu parlé avec un des organisateurs. Et c'était leur première date, mais en tête d'affiche. Parce qu'ils jouaient pour Korn et ils ouvraient pour Korn. Oui, c'est la première partie de Korn. Ouais, et donc, et là, ils ont dû rajouter des morceaux en plus. Et à mon avis, c'était pour les roder, pour pouvoir après faire une tournée. On verra bien, peut-être que dans 4-5 mois, ils vont repasser par chez nous, on espère. Bah, je sais pas, il y a Korn à l'Alcatraz, il y aura peut-être Allier. Peut-être, hein, peut-être. Parce qu'en général, ils suivent, hein, regardez une Glorious avec Steel Panther. Ouais. Ils y étaient il y a deux ans. Il y a 2 ans ou 3 ans, ils y étaient, est-ce que je les ai shootés. Donc il y était. Et là, Chad, il n'avait pas de cheveux. Il n'avait qu'une crête. Ouais, rouge. Ouais, tout à fait. Bah, il changeait vu qu'avant. Bah, je crois que c'est dreadlock, c'est des rajoutes. À mon avis. Quoique, sur 2-3 ans, ça pousse quand même bien. Oh, dis. Sur 2-3 ans, ils n'ont pas poussé de 30 cm, ces cheveux. Hein. Ça dépend s'il met du bon engrais, mais je ne vais pas citer de pub. Allez, on va s'écouter le titre. Tu vas être étonné vu qu'il change. Oui, il changeait beaucoup. À un moment donné, il a eu les cheveux courts noirs. Mais pour Mudvayne, il avait fait. Comment ça s'appelait là que tu aimais bien le truc de Viking Scream que tu portais avant? Le truc de viking que tu portais avant. Ah, une tresse au bouc. Oui, ouais. Mais il avait un bouc jusqu'au genou. Bleu. À mon avis, c'est des rajouts parce que jusqu'au genou. Et il a enlevé parce qu'il a marché dessus. Le mien est de 15 cm. Ah non, j'ai marché. Aïe. Le mien est de 15 cm, j'ai déjà dû attendre 2-3 ans donc. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Donc, c'est le groupe L.I.A. avec le titre Stretch Dry. Yeah. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Et ben voilà, c'était, ouais. C'était bien. Hein. Franchement, ouais, que de bons souvenirs. Voilà. Oui. Donc c'était Hellier avec le titre Stretch Your Lie. Voilà. Hellier. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Richard, donc membre de Tilden. On espère vous revoir coucou bientôt, Richard. Les amis. Où en êtes-vous avec votre deuxième album? Faites-nous le savoir, oui, car on vous attend avec impatience dans le studio. Et j'en profite aussi pas à Julien. Julien, faire un petit coucou et dire t'as rien perdu. Vinny Paul, il s'est pas pointé, hein, voilà. Donc ton drapeau, il aurait pu encore attendre longtemps. Allez, on poursuit avec, attention, là je m'excuse pour ma prononciation. Van Demar, non, je le fais en irlandais, c'est pas bon. Voldemort, non, je sais pas. Voldemort, je sais pas, mais ça doit être, voilà, enfin bon, bref. Avec 1316, c'est Old King Vision Party 1, c'est pas mal du tout, et après on retrouvera ton autre titre, Sylvain. Ouais. Voilà, avec une fin de guitare un peu manstinien comme ça. Hein. Ouais, ça joue vite. Hein. Ça joue vite. Oh. Hein. Manstinien. Alors, c'était Vlandemort. Vlandemort. Non, c'est pas Vlandemort des pays flamands, c'est Vlandemort du pays nordique. Donc, je sais pas comment on le dit. Enfin, bon, bref, bon. C'est pas mal du tout et c'est, ça joue très, très, très bien. Alors, ton prochain titre, c'est quoi? Alors, moi, c'est le nouveau Spite Fuel. Avec le titre, j'ai choisi. Purified. Oula, ben on va se purifier de toutes nos conneries qu'on a lâchées aujourd'hui, quoi. Voilà, ben on va s'écouter ton titre alors, hein. C'est parti. Ben c'est pas mal du tout encore ton choix. Hein. Ouais. Ah oui, oui, Valérie, tu c'est pas mal hein, ça. Ouais. Donc c'était. C'est un ordinateur qui s'éteint. Donc c'était. Donc c'était Spite Fuel avec le titre Purified. Voilà, juste avant de se quitter, on a écouté un avant-dernier titre. Il est sorti, il est tout frais. Ils seront le 1er juin en concert à Lille. C'est les Deep Purple et on va s'écouter. Oui. Hip Boot, c'est tout de suite, c'est maintenant, et après on se dira au revoir avec un dernier titre. You can bury me up to my knees and shit. Anything else, I don't mind one bit. You think I'm gonna drown, but you're wrong. Cause man, I got my hip boots on. Get your ass in the water and swim like me. It's the only way you're going free. that shit starts go down. When I hear the dogs, I go to ground. Ben voilà les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. Il est l'heure même oui, de se quitter. Oui, malheureusement, les loulous. Il est l'heure, monseigneur. L'heure, monseigneur. Ben, il nous en manque une, il nous manque une, recompte. Non mais ça c'est... Bon, il faut voir le film. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Eh oui, oui, avec ça va aller vite. Hein, avec un bon interview. Hein. Oui, Pompon. Pompon, Jacques de Pierrepont. Et qui est l'équivalent de... On va dire le Francis Zégut belge. Voilà. Francis Zégut belge. Il sera en interview ici. Il nous parlera du livre de son Hellfest. Livre sur le Hellfest, bien entendu. Il faut savoir aussi que c'est un producteur. Il a fait plein de choses. Il a plein de cordes à son arc. Et on aura aussi le boss avec nous. Donc on n'aura pas intérêt de déconner, les amis. Bah oui. Voilà. Avec le patron, ouais, c'est du rire. C'est du rire, Rémi. Alors un petit spécial merci quand même à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Qui nous regardent aussi. Qui nous écoute, qui nous regarde, qui regarde en différé, tout ça. Qui écoute le podcast aussi. Et exactement. Un petit coucou en vitesse à l'Argentine, à Juju, à sa copine. Oui. Et à mon bassiste préféré qui se reconnaîtra. Voilà. Et à tous les gens qui nous écoutent à travers le monde. L'Argentine, le Mexique. Monde. Voilà, le Chili aussi, l'Espagne. On est partout. Tokyo. Grazie mille. Thank you very much. Thank you very much. Arigato. Arigato. Non, pas les gâteaux. On va pas les manger maintenant, les gâteaux. Allez, on va se quitter avec JKD, Reach Out. Ciao, les amis. Ciao, à la semaine prochaine. Merci pour les partages. Merci pour tout. Oui, ciao. Ciao.